réveille-toi là, t'avais pas dit que t'allais chercher du travail? Quoi, quelle heure là? Oh putain, midi. Remue-toi, sale chômeur. Moi, jamais pressé. Oh non. J'arrive, le plat est froid, des fois faut pas stresser. La vie est courte alors j'en allonge les jours à goutte de bonheur et de perfusion d'amour. Je vis dans un microcosme, sans menottes, on cause de tout et de rien. Avec ma bande de cosmonautes, on vit toute l'année comme des touristes au mois d'août. Pas de changements radicaux, car pas d'épingle sur l'autoroute de ceux qu'on appelle profiteurs, qui ne veulent pas tourner trop tôt la page d'une vie de chômage et de tirage du loto. Avachis sur le canapé, qui se demande ce qu'ils feront demain, avec ce poil dans la main aux allures de télécommande. Coupable de quoi? De vivre en marge. C'est pas éternel, mais pour le moment, pas de femme ou de gosse à la maternelle. Un jour ça changera, mais au fond, qu'est-ce qu'on aime? Réunir 10 personnes à 15h, un jour de semaine. Profiteur, blagueur, dormeur, bande de chômeurs. Dis-moi donc, il est quelle heure? Bande de chômeurs. Profiteur, blagueur, dormeur, bande de chômeurs. Le travail me fait si peur. Bande de chômeurs. L'après-midi, le soir et la nuit, devine pour le matin, on se situe entre l'espoir et le vide. Rejoins donc cette aire de repos, t'es invité. Niveau repas, ne sois pas dérouté par un kebab au goûter. Bronzé en avril, quand t'as toute la journée, c'est facile. Une terrasse, un balcon, un journal et c'est parti. La tête dans les nuages ou étouffé par la fumée d'un joint. Une fois tu ris aux éclats, l'autre tu veux stopper l'engrenage. Difficile de trouver sa passion quand t'as 2 et 7 en main et un croupier comme conseiller d'orientation. Un métro, 2 boulots, 3 dodo, voici les dés de la vie. On se cache les yeux pour pas voir les numéros. Ok monsieur, par contre toute l'équipe commence à 5h du matin. Comment? À 5h du matin monsieur. Il va falloir se lever. Je vais vous laisser. Profiteur, blagueur, dormeur. Bande de chômeurs. Dis-moi donc, il est quelle heure? Bande de chômeurs. Profiteur, blagueur, dormeur. Bande de chômeurs. Le travail me fait si peur. Je vis donc dans ce monde où tu fais des tours de voiture sans but. Parce que t'entends un coup de fil sans doute d'un type sans fut qui vient de se lever 15h30 à ma montre. Short et tongs, le bitume devient sable à la longue. Sauf qu'on nage dans la vie sans brassard ou bouée. On manque de se faire ramasser par le camion des boueurs. Ordure pour celui qui bosse ou honte de la nation. On est surtout en manque de migration dans nos vies de cigogne. Tu me diras qu'un jour faudra bien se bouger les fesses. Mais on n'est pas pressé d'éclore comme un bourgeon d'Edelweiss. On plane à 3000 euros sur une île sans trop d'activité. Où le travail est un acte à éviter, bande de chômeurs, profiteurs, parasites, en tongs, Marcel ou pieds nus, parasés. Par ici, c'est votre zig sur le canapé affalé, de sommeil et de bon temps, jamais rassasié. Oh, tu te lèves là, je voudrais passer l'aspirateur. Allez, moi j'ouvre les volets, hein. Ça fait des jours que je peux pas faire le ménage et puis.